Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau débat comics. Alors aujourd'hui on est en comité restreinte. J'ai qu'avec moi Nico. Yo tout le monde. Et on va essayer avec Nico un nouveau format parce que bon, on disait que faire des grosses émissions de 2 heures, d'1 heure et demie comme on fait d'habitude en hebdomadaire, c'est peut-être un peu trop. Donc on va essayer un tout nouveau format où on va parler de news et qu'on va débattre au niveau des news qu'on va annoncer. Et voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas, en tout cas, pour ceux qui l'écoutent, d'en parler directement sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, Instagram ou Facebook, et on essaiera de vous répondre et essayer de corriger ça au fur et à mesure. Prêt, Nico, pour ce nouveau format? Ouais, pourquoi pas. Alors, je vais quand même vous l'expliquer. Donc, comme je vous disais, c'est des brèves de news. En première partie, on va parler comics quand même, parce que ça reste le cœur du métier. Et à l'origine, ce qu'on est quand même, des fans de comics, même si on a un peu dévié avec le temps. En deuxième partie, on va parler news manga. Et en troisième partie, on va parler un peu de culture pop entre films et jeux vidéo pour cette semaine. Allez, bah sur ce, c'est parti pour la partie comics. Et nous voici au niveau de la première partie et on va commencer donc par les comics. Et je ne vais pas parler de comics à proprement dit, je vais parler de séries télé parce que c'est officiel, la série The Walking Dead s'arrête à la saison 11. Donc ça prendra fin en 2022, on a quand même le temps de se taper quelques épisodes bien pourris de la série jusque là, mais voilà. À savoir quand même qu'ils sont en train de préparer un spin-off sur Daryl et Carol. En plus de cela, il y a toujours le nouveau spin-off qui va sortir sur Amazon Prime qui s'appelle Walking Dead Beyond. Et il y a toujours 3 films en préparation sur Grey Crime. C'est, par contre, je ne sais pas où on en est au niveau de Fear of Walking Dead, mais bon, qui s'en fout. C'est pas parce que la première série se termine qu'on est loin de terminer. Après tout, on a déjà eu des exemples comme ça sur des séries américaines qui ne se terminent jamais, un peu comme New York Police Judiciaire qui a eu plusieurs spin-offs dans Unité Spéciale qui court toujours au bout de quasiment 20 ans. Bref, je m'éloigne un peu du sujet. Nico, qu'est-ce que t'en penses? Walking Dead, fini? Je pensais que c'était déjà fini, moi, en fait. Tellement j'ai arrêté de suivre. Je sais que côté comics, c'est fini. Je pensais que côté série, ça avait suivi, mais non, c'est toujours en cours. En fait, ouais, cette news, c'est un peu comme si tu pissais dans un violon, ça te fait rien. C'est ça. Voilà. Par contre, à savoir que la 11e saison se terminera sous 24 épisodes. Je sais pas combien il y a d'épisodes dans Walking Dead, mais il y aura quand même une saison dite complète pour la saison finale. Bon, moi, j'ai pas plus de choses à dire. J'ai jamais regardé Walking Dead. Enfin, si, j'ai regardé la première saison, j'ai essayé de la regarder 2 fois. À chaque fois, elle m'a cassé les couilles, donc j'ai pas continué. Voilà. Bref, Nico, c'est quoi ta news? Ben, quitte à parler d'arrêt directement, moi aussi j'ai une bonne nouvelle pour vous avec l'arrêt du film Batman. Bon, je vous rassure, en fait c'est juste un arrêt de tournage parce qu'on a appris il n'y a pas longtemps que Robert Pattinson a été testé positif au coronavirus. Et en fait c'est tout drôle au départ parce que Warner, qui a donc décidé de stopper le tournage, a essayé juste de dire au départ, sans inquiéter les gens, qu'il y avait un membre de l'équipe qui était atteint du coronavirus. Et voilà, il ne voulait pas donner de nom, parce que forcément, à partir du moment où on a su qu'il stoppait le tournage, eh ben, tout le monde a compris et tout le monde a su que c'était Robert Pattinson. Mais c'était bien joué d'essayer de ne pas le montrer, mais bon, quand tu arrêtes tout, c'est bien parce que tu as perdu ton perso principal, quoi. Et alors là, on va encore rebondir sur quelque chose qui n'a rien à voir, mais il y a quelque chose qui m'énerve un peu, tu vois. Bon, cette semaine, on a appris que notre premier sinistre était en quarantaine parce qu'il était en contact avec un membre qui avait le coronavirus. Le directeur du Tour de France a chopé le coronavirus. Des footeux ont chopé le coronavirus. Alors, je ne mets pas tout le monde sur le même plateau, hein, parce que bon, le premier sinistre, Pattinson, le directeur du Tour de France et les joueurs du PSG. c'est pas, c'est, ils n'ont pas le même niveau de prestance et d'importance dans ma vie. Mais quand même, que font ces gens pour choper le coronavirus? Est-ce que, enfin voilà, moi ça m'interpelle un peu, quoi. Ça m'interpelle, ça me choque un peu. Bon, je sais qu'on peut le choper à peu près n'importe comment parce que c'est un virus très très contagieux, mais quand même, quoi, les gestes barrières, tout ça, on dirait que qu'il n'y en avait pas, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Bon, après, surtout dans le cas d'un tournage, en tout cas, forcément, ils peuvent pas tourner avec un masque. Donc, si des fois il y en a un ou autre, ou si ou ça qui est passé, ouais, voilà, l'intention, ça peut être assez particulier. Mais c'est vraiment dans le cas de Pattinson parce qu'il tourne. Dans le cas, par exemple, du Premier ministre, lui, il est censé donner l'exemple et tout, donc c'est autre chose. Mais bon, si on part sur ça, on peut faire une émission spéciale coronavirus, qu'est-ce qu'il faut faire? On l'a déjà fait. Puis, de toute façon, nous, la seule chose qu'on veut, c'est juste être à nouveau confiné pour détruire à nouveau nos pales de lecture parce qu'on en a beaucoup trop. Non, je te rappelle que je suis un acheteur compulsif. Voir ma palle descendre me fait mal au cœur. Ouais, non, mais c'est pareil pour moi, je te rassure. Bon, ça me va alors. Bon, bah, du coup, moi, je vais te parler de Marvel et de comics. Bon, quand même, la première news comics de ce nouvel format comics. Donc, il y a Marvel qui vient de teaser un nouveau super dieu cosmique. Qui devrait être le rival de K'Nool. Il est apparu donc, dans le premier Web of Venom Voice, chapitre 1, scénarisé par Donny Cates et dessiné par Villanova. Nico, toi qui es spécialiste de Cosmic, qu'est-ce que ça fait de savoir qu'il y a un nouveau dieu qui vient d'apparaître? Alors de base, je dirais que je me mets ici. Voilà, c'est Cates, j'ai un peu confiance quand même. Mais en soi, qu'il y ait un nouveau dieu, je n'ai strictement rien à foutre. Déjà, si je dois dire ce que je pense d'une chose, c'est que déjà, ils sont sortis, même si ça va être très court, une série sur Voice, qui est un personnage que j'attendais depuis très longtemps, qui est apparu surtout dans Annihilation Conquest et qui a disparu pendant des années. Rien que ça, ça me fait plaisir. Après, un nouveau dieu, ils ont fait tellement n'importe quoi, à voir ce que ça va donner, comme faire l'inverse de K'Nool. Nous, en soi, il est puissant, mais il a actuellement, bon, il a une énorme importance, mais en vrai, dans la partie cosmique, à voir comment on peut le situer, c'est surtout juste le dieu et le créateur des symbiotes, donc faire l'inverse de ça, je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Alors, c'est pas vraiment l'inverse, c'est le rival. Ah ben, rival, tu peux foutre tout et n'importe quoi en rival. Hein. Oui, alors, non, mais contre, voilà, c'est pour ouais, ça, c'est pas l'inverse, c'est pour ça que je me permets de te reprendre. Ouais, ouais. C'est pas l'inverse, c'est un rival, donc ouais, ça peut être tout et n'importe quoi, comme tu c'est ça. C'est... Alors, il y a déjà un gros florilège, mais bon, ça commence à devenir vieillissant, les entités, donc ils essaient d'en créer de nouveaux. Peut-être pour Eternals. Peut-être, c'est vrai, j'avais oublié ça, t'as bien raison. Et voilà. Vite fait, en parlant d'Eternals, est-ce que tu as vu la première image officielle du film en costume d'une des actrices, de Salma Hayek, je crois? Non, tiens, voyons, je vais regarder ça. Voyons. C'est bien parce qu'on parle d'Eternals. Hein. C'était pas prévu du tout dans non, c'était même pas prévu dans les news. Je tiens à le dire. Je sais plus où je l'ai vu, mais je l'avais vu quelque part. Moi, je vois un truc de photo, c'est très moche. Ah, bah, ça doit être ça, parce que j'ai trouvé ça très moche également. Mais le problème, c'est que c'est les Éternels. Les Éternels, en vrai, côté comics et tout, j'adore, mais côté costume et tout ça, ça a chier. Ils ont tous des costumes un peu à l'ancienne, très vieux, cubique, à la queue. De toute façon, c'était l'époque de Kirby, ça n'a jamais trop évolué, avec plein de styles de couleurs et tout ça, mais... Bah, du coup, donner ça à l'écran, ça va être encore plus affreux qu'en comics. Quoi. Bon, bah, du coup, je te laisse me parler de ta prochaine news. Ouais, bah, allez, moi aussi, on va rester sur les comics en news et sur Marvel. On l'a tous appris, on le sait tous, Chadwick Boseman est mort. Et en hommage, en fait, par rapport à ça, tout simplement, la Comixology qui a mis plusieurs centaines de comics Black Panther à télécharger gratuitement pour pouvoir les lire. C'est un très beau geste, je trouve que c'est vraiment un beau geste, une bonne chose en soi, parce que surtout plusieurs centaines de comics. Alors, j'ai pas trop regardé, est-ce que ben, du coup, ils comptent ça un chapitre, et du coup, une centaine de chapitres, enfin, je crois qu'il y a 200 ou 300 comics en soi, si ça a un chapitre, ça fait quand même beaucoup. Mais si c'est vraiment des comics entiers, style TPB, tout ça, avec des gros volumes qui comprennent plusieurs chapitres, c'est encore mieux. Je n'ai pas regardé exactement comment c'était, mais c'est une bonne chose. Par contre, petit bémol, me semble-t-il que tout est en anglais. Donc, pour ceux qui ne sont pas lecteurs VO, ça va être un peu relou. Mais c'est quand même une belle chose en soi. Après, c'est aussi pour les lecteurs VF qui veulent essayer. C'est la bonne occasion d'essayer du comics VO gratuitement. Aussi. Donc, si je peux rebondir sur ta news, oui, c'est un très beau hommage qu'on fait Comixology. Bon, il ne faut pas rêver, hein, ils ont eu quand même l'accord de Marvel pour faire ce genre de choses, hein, quand même. Mais c'était un très beau geste et voilà. C'est très bien comme ça. C'est toujours compliqué de parler de Chadwick Boseman, ça fait pas longtemps et à chaque fois j'ai peur de déraper, de dire des conneries en fait. Bah, quand tu parles d'hommage, ça va, tu sais très bien que tu vas pas parler de conneries. C'est sûr que si après tu commences déjà à parler genre de Black Panther ou de choses comme ça, oui, c'est voilà, mais dérives, c'est... Mais... Ouais, mais tu sais très bien que je peux dériver à tout moment. D'ailleurs, on va vite changer de sujet pour parler... d'une actualité comics, oui et non, parce qu'on a appris dernièrement, enfin, ça s'est passé lors de cette semaine, que le département de police de Toronto a fait retirer à un officier le patch du Punisher et ils lui ont collé des mesures disciplinaires. D'après le porte-parole de la police de Toronto, il a dit que ce genre de choses n'était pas approuvé, que ce n'était pas approprié et que ça n'avait rien à faire sur son uniforme et qu'il va avoir des mesures disciplinaires et qu'il ne devrait plus le mettre dans le futur. Par contre, ils disent pas quelle est la mesure disciplinaire qu'il a eue quand même. Nico, comment tu trouves cette nouvelle? C'est pas la première fois que j'entends parler, surtout par rapport aux histoires qu'il y a actuellement avec la police et tout, qu'on ait des policiers américains, par exemple, c'est beaucoup de policiers américains qui utilisaient souvent le symbole du Punisher comme un signe pour dire que voilà, ils ne cesseraient pas faire et tout. Donc c'est pas étonnant que je vois ça. C'est bien qu'ils réagissent parce que des fois c'était un peu laissé libre et tout, mais ouais, c'est pas étonnant en même temps parce que le Punisher c'est plus un symbole de mort après c'est censé être un symbole de justice, mais c'est surtout un symbole de mort, chose que normalement il devrait pas représenter quoi. Et ouais, mais c'est d'ailleurs le comique qui en parle énormément, quand l'actualité s'y prête il en parle. Mais il ne nous en a jamais parlé de mesures disciplinaires contre ce genre de choses. Et je crois que c'est la première fois que ça se passe. Et je trouve ça très bien. Comme ça, au moins, il n'y a pas d'idée mal placée ou autre, surtout avec les manifestations Black Lives Matter. Il ne manquerait plus qu'un mec avec le symbole du Punisher bute un black en plein milieu de la rue. Et là, c'est le carnage. C'est ça. C'est ça. Puis c'est un peu une mauvaise image aussi pour Marvel. Donc... Dans tous les cas, c'est pas une bonne chose. C'est cela. Nico, est-ce que tu as une news un peu plus détendue que Chadwick et le département de police de Toronto? Bon, c'est côté collection un peu. On connaît très bien Hachette qui nous a déjà fait une collection Marvel. C'est super-héros Marvel. Et donc, voilà, c'est à la fois comics et manga. Je vais en parler vite fait. Actuellement, ils ont commencé déjà à sortir une collection sur Naruto, donc qui doit faire 37 volumes. Et en fait, ça reprend un peu le format qu'ils avaient utilisé pour Dragon Ball. Mais surtout, le bon truc que j'ai eu dans Naruto, bon, je me suis déjà inscrit, mais c'est surtout la prochaine news que je vais vous donner qui m'a beaucoup intéressé. Ils font toute une collection qui va faire plus de 80 numéros, donc bien sûr avec une super fresque qu'on aura sur le côté. Et ça va être une collection spéciale X-Men. Donc je suis très joyeux, très enthousiaste et en même temps intrigué. Pourquoi ? Parce que vous avez déjà vu les lirambules, vous les avez entendus. Je m'y connais un peu en mutant, mais pas tant que ça. Donc avoir une grosse collection là-dessus, ça me fait plaisir parce que je pourrais découvrir pas mal de choses. Mais la grande question que je me pose, c'est à peu près 88 volumes, je crois. Ça me paraît énorme pour une seule et même licence. Donc à part s'ils vont mélanger peut-être toutes les séries avec New Mutants, X-Force et tout ça. Mais s'ils se consacrent vraiment que sur des X-Men, ça va faire beaucoup. Et à voir après justement qu'est-ce qu'on aura, si on aura vraiment que du must-have, ou peut-être que des petits trucs secondaires pas super bien, à voir. Après, j'ai confiance, parce que même des fois, sur des petits trucs un peu anecdotiques que j'ai lus des X-Men, des fois, c'était super bien. Donc, c'est, pour moi, c'est la super nouvelle. Je me lance carrément dedans. Et ça me fait plaisir de voir ça. Et oui, alors c'est vrai que Hachette, en plus, il récidive, parce que ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. Ils faisaient également la grande collection des histoires de Marvel, où j'ai quelques chapitres à la maison. Ils avaient fait deux collections, une spéciale sur les héros Marvel, où c'était vraiment un tome, un numéro, un héros. Et après, ouais, sur les grands événements aussi, avec la vie et mort de Captain Marvel, les aventures d'Adam Warlock, ou des trucs comme Thanos Imperative, donc avec des événements à l'intérieur. Ouais. Et là, donc, ils sortent uniquement sur X-Men, et je pense que c'est ce que tu as dit. Ils vont parler d'Uncanny X-Men, ils vont parler d'X-Men, ils vont peut-être parler d'X-Men un peu plus récents, donc Blue, Gold et machin, truc mûche. Ils vont peut-être faire sur la fin House of X. Il va y avoir peut-être X-Force, il va peut-être y avoir du New Mutants, il va peut-être y avoir assez. Enfin, voilà, ouais, X-Men, c'est un mini-univers dans Marvel, quoi, quand même. Ah oui, mais clairement, qu'il y a oui. Quoi faire, et ça va être très intéressant. Et voilà, non, mais je ne peux pas tout prendre. J'avais hésité déjà à l'époque où ils avaient sorti toujours l'encyclopédie Star Wars. C'était pas Hachette, mais bon, j'ai hésité de me la prendre. Naruto, j'ai hésité de la prendre. X-Men, j'hésite presque. C'est horrible parce qu'à force, on va avoir que des abonnements de partout. Et on y ah, ben, ça me fera trois abonnements. Moi. J'ai un abonnement pour Kingdom, l'abonnement pour Naruto et je vais prendre X-Men. Mais après, j'ai un budget assez imposant pour derrière encore aller me chercher comics ou manga, donc ça ira. Oui, je connais ton budget. Donc ça, je vous le dis. Et voilà, bon, moi je vais terminer les news comics en parlant d'un sketchbook qui va sortir, pas de n'importe quel dessinateur, du grand Mac Mignola qui va sortir The Quarantine Sketchbook. Donc c'est, on peut le traduire comme le sketchbook du confinement, où en fait tous les jours Mac Mignola dessinait, il le mettait sur les réseaux sociaux et il a eu Dark Horse lui a proposé d'en faire un sketchbook et de compiler tout ça et de le sortir. Donc on va retrouver du Batman, du Dracula, du General Mills, du Master of Universe, du Punch and Judy, du Tin Man. Enfin voilà, il va y avoir pas mal de choses et ça devrait sortir d'ici mars 2021 en première partie dans les comics bookshop et après dans les bookstores. Qu'est-ce que tu en penses de ça, comme un petit sketchbook comme ça, des familles spéciales confinement? Alors, moi, en soi, je suis pas le fan qui cache les sketchbooks ou autre, mais pour les fans et tout, c'est toujours sympa d'avoir ce petit truc à côté. Moi, je suis pas contre, je suis pas le public visé, mais je pense qu'après, pour ceux qui aiment bien, c'est toujours sympa d'avoir des sketchbooks justement d'un artiste qu'on aime beaucoup, quoi, comme on en a vu beaucoup sur Jim Lee ou sur d'autres. C'est toujours sympa, donc pourquoi pas. Et normalement, alors, s'il ne change pas la cover, ça sera un Hellboy masqué. Ça sera, ah ouais ouais, ouais, ouais, vous pouvez l'avoir sur le site de Dark Horse, pour ceux qui sont intéressés. Par contre, il n'y a pas de tarif et on ne sait pas le nombre de pages qu'il y aura. Donc, je pense que toutes ces informations vont venir d'ici quelques temps. Bon. C'est tout pour les comics et on va pouvoir attaquer les news côté manga. Et nous voici sur la deuxième partie de ce débat comics où on va parler d'anime et de manga parce qu'on va pas que s'arrêter au manga. On va parler un peu d'animé. Mais avant de parler d'animé, je vais parler d'une news très intéressante. Je pense que c'est même la news qui est une parfaite transition. Je vais vous parler de My Hero Academia, où il y a Kayoun qui va nous proposer une première variant cover de la série pour My Hero Academia, ou pour le tome numéro 27. On va avoir une... variant cover de Ryan Stegman, qui est un dessinateur de comics bien connu, et ça me fait triper quand même. Alors, des variantes cover. J'ai déjà vu des conférences sur ça, sur Angoulême. C'est pas là pour faire plaisir aux fans, c'est là pour survendre. Mais quand même, Nico, un dessinateur de comics qui dessine une cover de My Hero Academia, tu signes? Vu que je dis pas. Ouais, mais sinon, de base, oui. De toute façon, c'est toujours sympa des fois d'avoir des variant cover sur un truc. Et ouais, j'attends de voir comment ça a donné le truc, mais oui, non, c'est toujours sympa à voir. Alors, déjà, c'est disponible. Il y a Kayoun qui fait énormément de pubs là-dessus. Donc, si tu tapes My Hero Academia Variant Cover, vous risquez tout de suite de trouver ça sur Internet. Ça sera donc une variant cover. Hein, et ça sera donc sur le tome 27. Et ça sera accompagné d'un coffret collector dont on n'a pas pour le moment d'informations. Et ça sortira pour janvier 2021. Et ça sera une jaquette réversible. Donc avec la version standard. Mais non, honnêtement, moi ce que j'aime beaucoup dans My Hero Academia, c'est que ça rend hommage un peu aux comics. Parce que My Hero Academia, c'est un peu le Avengers Academy ou un peu les classes, le Wolverine X-Men, où on voit des jeunes apprendre à devenir des super-héros. Donc c'est vrai que malgré qu'il y a un code shonen, My Hero Academia a aussi pas mal du code du comics US que j'aime énormément. Et là, c'est le comics US qui rend hommage au manga et je trouve ça génial comme principe. C'est vrai, je trouve ça beau, c'est sympa. T'es allé la voir ou pas la cover? Je l'avais vue, j'ai plus souvenir, mais je l'ai vue, elle était assez vraie, elle est sympathique quoi. Ah, ça change, et par contre, ça change vraiment ouais, des covers manga quoi. Ah, je sais. Je suis fan, je fais acheter, je suis pigeon, mais voilà. Nico, t'as une petite news aussi sympathique à nous dire? Ouais, alors moi, je vais plutôt partir, ouais, si, c'est à la fois animé et manga, même si le côté animé était déjà connu, donc on parlait de Burn the Witch, qui est le nouveau manga de Tite Kubo, qui, donc on le sait, on a une adaptation en animé qui doit être fait pour automne 2020, là, bientôt. Alors, j'essaie de faire des recherches un peu, parce que en fait, le manga en soi, au départ, c'était un one-shot, qui est sorti en 2018 dans le Shonen Jump. Après, au final, en 2020, il a ressorti l'histoire, il a fait une histoire complète en 4 chapitres. Et donc, la grande question que je me pose, parce que je n'ai pas forcément trouvé d'infos, c'est est-ce que ça va vraiment être sous le format de série animée ou sous le format film? Parce qu'en soi, 4 chapitres, t'es plus sur un format film que sur une série, parce que la série, elle va faire 2 épisodes. Quand je regarde les 3/4 du temps des séries animées, t'as pas un épisode, un chapitre, quoi. Et même si c'était le cas, ben là, ça te ferait que 4 épisodes pour une série animée, c'est pas génial. Donc, j'attends de voir. Je pense que je mise plutôt peut-être sur le film, mais je suis pas sûr. Et surtout, la vraie news et la dernière news qu'on a eue, c'est qu'on a Glénat, donc, qui a réussi à avoir les droits, vu qu'il possédait déjà, il me semble, les droits pour Bleach, à avoir les droits, donc, pour le manga Burn the Witch, et qui vont nous sortir ça. On n'a pas de date exacte, je pense que c'est peut-être 2021. J'ai pas trouvé de date exacte, mais c'est tout récent. Glénat a affirmé qu'ils avaient les droits. Et là aussi, je vais acheter Bleach. Bah, tu le sais, Nico, de notre enfance. Autant Bleach, faut que je me les rachète, je sais pas, mais Burn the Witch, Day One, c'est sûr, je prends. Ouais, bah, pareil. Par contre, tu vois, il y a quelque chose qui me déçoit, c'est que quand ils nous avaient annoncé Burn the Witch, on en avait parlé avec Adrien, et en plus, ça collait parfaitement à l'actualité, pour une fois, à l'époque, sur le vieux débat comics. C'est que c'est juste 4 chapitres. C'est vrai que ça fait bizarre. Dans le cas d'un comics à 4 issues, ça passe parce que ça arrive parfois, mais alors 4 chapitres sur un manga, c'est les 3/4 du temps, ça fait 8 à 10 chapitres, c'est assez maigre, c'est sûr que c'est assez bizarre. Alors, au début, je me suis dit peut-être que ça a commencé récemment, il n'y a que 4 chapitres d'écrit, non, apparemment, c'est vraiment que 4 chapitres pour faire toute l'histoire. C'est troublant, et je pense qu'une fois qu'on l'aura eu, ce sera décevant sur le fait qu'on en veut plus, quoi. Mais ouais, surtout que tout le monde s'attendait peut-être à une espèce de crossover entre Bleach et Burn the Witch, quoi. Tu vois, tu te dis peut-être que il va y avoir un petit crossover, et voilà. Donc c'est vrai que je sais pas, je suis. Ouais, voilà. Je suis assez déçu. Alors j'essaie de moi aussi chercher la news rapidement. J'arrive pas à trouver la news. Apparemment, je sais qu'il va y avoir les chapitres qui vont être publiés en volume le 2 octobre 2020. Mais je sais pas si c'est que 4 chapitres ou pas quoi. C'est... Ah, je c'est pense qu'ils vont faire 4 chapitres, peut-être plus le one shot, parce que le one shot faisait quand même 50 pages. Donc ils vont 62. Peut-être faire les deux à la fois. 62 ? Ouais, 62. Voilà, donc peut-être qu'on aura les deux à la fois. Mais par contre, j'ai l'information, la série va. Il va y avoir donc une série, un film qui sera en format de 3 épisodes. D'accord, ouais. Une mini-série. Donc, ouais, c'est vraiment ça. Donc, ouais, ça me frustre parce que Tite Kubo, j'adore son dessin. Je m'attendais à ce qu'il nous sorte vraiment une bonne vieille série des familles à la Bleach sur plusieurs tomes. Ou voire même, tu vois, même si c'est pas sur plusieurs tomes, le faire sur 5, 6, 7 tomes, histoire d'avoir une petite histoire qu'on. Ou une petite histoire où on peut se dire j'ai eu assez pour moi et ouais non ça va me frustrer quoi. Ah clairement oui ça va être l'effet que ça va nous produire. Bon je vais également parler de notre jeunesse en vous parlant enfin en vous informant que le film Digimon Adventure Last Evolution Kizuna va sortir au cinéma en France en septembre. Donc bon, le film était sorti en début d'année au Japon. Donc si on a des auditeurs pirates, eux, ils l'ont déjà vu. Va savoir que le film va sortir en version française et version originale sous-titrée du 24 au 27 septembre dans les sites des mégas CGR. Digimon, c'est quand même aussi un peu notre enfance, non, Nico ? C'est un peu le Pokémon loupé. Ouais, mais justement, c'est le Pokémon loupé. Même si Pokémon, maintenant, les films, je regarde plus, mais alors Digimon, encore moins. Et... Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça sort, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Digimon n'a pas fonctionné en France à cause de la vague Pokémon, mais au Japon, Digimon a toujours un peu continué. Le vieux animé est disponible actuellement sur ADN et il y a un tout nouveau animé qui est une espèce de revival, reboot, enfin tout ce que tu veux, qui sort actuellement au Japon qui est travaillé par la Toei Animation et qui est également disponible sur ADN. Et honnêtement, j'hésitais à me les refaire. Bon, je sais pas pour ça que j'ai eu le temps de les refaire, mais peut-être qu'à un moment, quand j'aurai le temps, je vais me les refaire avant d'attaquer le nouvel animé. Par curiosité, tu vois, histoire de me remémorer ça. Si tu veux, je te laisse faire ça tout seul. D'accord. Merci Nico de ton soutien. mais je sens que tu es complètement abasourdi parce que je viens de te dire, je comprends. Je comprends. Moi, j'ai eu du mal à me croire quand je me suis donné envie de faire ça, mais je vais vraiment le faire. Et bon, je me dis ça depuis quasiment 6 mois. Donc, c'est pas pour ça que je l'ai fait. Et on a passé avec le confinement où j'aurais pu le faire. Nico, à ton tour. Ouais, alors, je vais encore parler animé. Avec cette fois, donc, on va se tourner vers Netflix et la série Beastar. Netflix nous avait produit la première saison qui était vraiment sympa. Et donc, ils nous ont annoncé déjà la saison 2. On n'a pas de date exacte, mais ils ont dit pour 2021, sortie de la saison 2. Et alors, s'il y en a qui suivent le manga ou non, déjà, la saison 1 s'est terminée sur un super truc dans le manga qui était le kidnapping et après la libération de Haru. Donc, ça s'est lancé vraiment. Et je crois que ça s'arrête quasiment côté manga, donc vers le tome 6. Et vu la construction de la série, je pense que du coup, la saison 2 va se terminer jusqu'au... Donc, on va faire la moitié du tome 6 jusqu'au tome 12. Et donc, on va voir du très très beau. Pour avoir lu le manga, si vous avez kiffé la saison 1, vous n'êtes pas prêt pour la saison 2. Ça annonce du très lourd et il me tarde réellement de voir ce que ça va donner. Je t'ai tué, Jeff, c'est ça ? Je sais pas. Je vais te choquer, mais. Alors, je ne les ai pas lus. Je ne dis pas que ça ne pourrait pas me plaire en lecture. J'ai essayé la saison 1, je n'ai pas adhéré. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je n'ai pas du tout adhéré à Beastar. Je crois que j'ai vu les 3 ou 4 premiers épisodes, mais j'ai pas réussi à aller à en voir plus parce que je sais pas, il y a quelque chose moi qui me gêne dans la série. Je sais pas quoi, mais il y a le petit truc qui m'empêche d'en regarder plus. Déjà, le truc de Beastar, c'est que ça part un peu dans tous les sens, dans les styles. C'est que t'as un peu de trucs amoureux, t'as un peu en même temps d'analyse de la société à travers les carnies et les herbies. Il y a plein de trucs différents, et plus t'avances, plus ça aborde plein de thèmes, et c'est vrai que c'est super bien. Moi, j'adore tous les trucs qu'on y voit. Et le dernier tome que j'ai lu, qui était, je crois, le 12 ou le 13... Ah non, c'était le 12, donc il s'arrête non, au tome 11. Et moi, pour avoir lu récemment le tome 12, j'ai trouvé ça génial, mais tu pars encore sur de nouveaux trucs. Et c'est vrai que tu sais jamais sur quel pied danser, tellement ça aborde plein de choses à la fois. Donc je peux comprendre qu'en plus, le début est vachement particulier. C'est un peu lent par moment, tu vois un peu de tout. Donc que t'accroches pas, j'arrive à comprendre. Donc ouais, non, là, je suis désolé, Nico, t'es seul sur ta news. Il y aurait eu Adri, j'aurais pas été seul. Ouais, non, il y aurait eu Adri, vous seriez en train de masturber dessus pendant 20 minutes. En spoilant tout le monde, donc heureusement qu'il n'est pas là finalement. Oui. Et je vais terminer les news en parlant d'un manga, parce que bon, on est quand même là pour parler manga. Il y a le manga 17 ans, une chronique du mal qui va sortir donc, dans une toute petite maison d'édition qui s'appelle Naban, qui va bien sortir à la fin du mois, donc il va bien sortir le 25 septembre, parce qu'ils avaient énormément de doutes pour pouvoir le sortir, parce que l'imprimerie n'était pas forcément au point et compagnie. Et finalement, ils vont bien le sortir le 25. Et voilà, c'est un manga que je conseille, parce que j'ai eu la chance d'avoir une version PDF que l'éditeur m'a envoyé, donc c'est un titre qui est terminé, qui est en 4 tomes, et c'est un thriller qui s'inspire d'une histoire vraie, et il s'inspire donc vite fait hein, je vais lire le synopsis officiel. C'est Sachiko n'a que 17 ans, et c'est parce que de jeunes garçons veulent s'amuser qu'elle se retrouve séquestrée et va subir brimades, agressions et tortures des semaines durant. Personne ne veut la libérer car tous ont peur de faire face aux conséquences. Personne ne semble se soucier de son sort, ni la police, ni les parents. Seule sa sœur jumelle poursuit sans relâche les recherches car elle sait que sa sœur est en danger. Arrivera-t-elle à la retrouver avant que l'irréparable ne se produise ? C'est une histoire vraiment crue. Hein. On est vraiment dans le bon vieux seinen et c'est vraiment inspiré donc. C'est inspiré d'une histoire, hein, de l'histoire de Junko Furuta. Et ça avait bouleversé les Japonais à la fin des années 80, d'où se trouve ce manga. Et à savoir que donc, Junko Furuta était une lycéenne japonaise de 17 ans qui a été victime à peu près de ce qui se passe dans le manga. Donc voilà. Nico, t'achètes ou t'achètes pas ? Y a de grandes chances peut-être que plus tard j'achète. Hein. Bon, déjà, Naban, moi, ils me font très plaisir avec le manga Old Boy, qui est génial. Mais ouais, j'ai lu le synopsis, ça avait l'air pas mal intéressant aussi. Donc, il y a de grandes chances que je prenne. C'est assez mon style de lecture. Alors, tu peux le prendre, mais si tu veux, tu peux également le lire, vu que je peux te l'envoyer. On va soutenir les petits éditeurs. Ouais, mais on aurait pu en parler sur l'Irambule, tous les deux. Attends, tu l'as envoyé déjà à tout le monde pour le faire avec tout le monde. Je vais pas commencer à me rajouter. Ouais, mais je sais pas si quelqu'un l'a lu, tu vois, j'ai demandé qu'on me fascine, mais personne n'a fait ça. Bon, on en parlera plus tard. C'est cela, c'est pas le sujet. Donc voilà, ben, on a terminé les news manga et on va attaquer la dernière partie. Et on se retrouve déjà au niveau de notre dernière partie de cette émission, où on va vous parler un peu de culture pop, donc films, séries, mais pas séries dérivées de comics, hein, des vraies séries. On va parler également de jeux vidéo et compagnie. Et je vais commencer par vous parler du trailer qui est sorti cette semaine, du film Dune, qui va sortir, qui est réalisé par Denis Villeneuve. Putain, quand ça veut pas venir, ça vient pas, les noms, c'est un peu chiant, hein. et qui a juste un casting XXL. Et voilà, donc au niveau du casting, on va déjà commencer à parler de Dune avant du casting et du compain et des autres. Donc Dune, c'est un récit épique parce que c'est tiré d'un roman, d'un vieux roman des années 80, des années 60, parce que le roman est sorti en 65. C'est un cycle complet. Et hein, c'est pas juste un titre, c'est le premier roman du cycle de Dune, où là il y a énormément de lectures et il y a énormément de choses à dire. L'histoire, grosso modo, l'histoire commence en 10191 après la fondation d'une guilde spatiale. Il y a un empereur qui domine, il y a des ouvriers, ils sont à peu près tous drogués, il y a un peu d'intelligence artificielle. Voilà, donc c'est un film de science-fiction, mais par contre qui se situe principalement sur une planète désertique. Et voilà. Et je crois que l'auteur s'était inspiré à l'époque du désert de Namibie pour se donner l'image de la planète. Donc c'est vraiment une planète aride. Et il y a Denis Villeneuve qui va sortir le film. Ça faisait depuis un petit moment qu'ils nous en ont entendu parler de ce genre de choses. Et voilà, alors, Denis Villeneuve, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Premier Contact, Blade Runner 2049, hein, qui a sorti dernièrement. Et il a choisi de réunir un casting XXL, donc avec Timothée Chalamet, donc, qui a joué dans les films du Dr. Marsh, Rebecca Ferguson, Dr. Sleep, Mission Impossible, Rogue Nation, Oscar Isaac, bon, très connu pour Star Wars. Plus décrié pour Apocalypse, mais quand même super. Il interprétait très bien son rôle dans Ex Machina, où pour moi c'est là où je l'ai connu et que je l'ai trouvé juste formidable. Et il va y avoir Josh Brolin, connu pour Avengers Infinity War, hein, entre autres. Et pour les fans de comics, il a également joué dans Deadpool en tant que Cable. Stellan Skarsgård, connu pour Thor et Avengers l'ère d'Ultron, Dave Bautista, les gardiens de la galaxie entre autres. Il va y avoir Zendaya, hein, donc Euphoria, où elle a explosé, bon, quand même, avant d'exposer Euphoria, elle était dans les petites séries Disney, elle fait du Spider-Man, Euphoria, et voilà, et tout ça amène quand même à force un putain de casting XXL et voilà, donc ouais, donc beaucoup de choses à dire sur Dune. La bande annonce nous dévoile pas trop de choses, mais m'a quand même bien hypé. Il me tarde de voir au cinéma. Il devrait sortir courant décembre, si je dis pas de bêtises, le 23 décembre, la veille de Noël. C'est génial ça comme cadeau. Nico, Dune, j'ai pas vu la bande annonce. Par contre, j'ai vu le casting. C'est vrai que ça tente beaucoup. J'avais essayé de regarder les vieux films, mais c'est tellement vieux que j'ai eu du mal. Par contre, j'ai beaucoup aimé. J'ai connu surtout Dune à travers les jeux vidéo. Justement, il fallait récolter les prix, les pistes, être sur les Harkonnen, les Atreides et tout ça. Et donc, ça me tente beaucoup de voir ce film. Parce que du coup, j'ai une bonne expérience par rapport aux jeux vidéo. Mais l'univers, vu que j'ai du mal avec les films, j'y connais pas trop. Donc, il me tarde. Alors, il y a eu un jeu vidéo? Ah oui, il y en a eu même plus de un, je crois. C'était des... Ah ouais, c'était un truc, en plus, c'était style stratégique, comme du Age of Empires, tu vois, tu devais récolter les pistes, construire tes troupes et tout, si je me souviens bien. C'est... Attends, je vais taper, mais il me semble que c'était ça, ouais. J'avais eu un jeu, j'avais joué quand même, ouais. Il y a même eu plusieurs jeux, parce que moi, j'ai connu, par exemple, Dune et Dune 2 et Dune 2000, je crois, et après t'en as même eu sur PlayStation 2. Mais moi je crois que c'est surtout Dune 2 que je connaissais le plus. D'ailleurs, je me demande comment j'ai connu ça. Ouais. Je crois que je sais pas, on me l'a intégré dans la mémoire parce que je sais pas souvenir d'y avoir joué, mais je vais souvenir de tout le jeu, donc c'est affreux. Mais il me tarde du coup. Alors ouais, après que je reviens vite fait à ce que tu disais, mais c'est vrai que Dune a eu quand même quelques adaptations au cinéma, donc une en 1975 par le réalisateur Alejandro Rodosky. Ridley Scott avait travaillé un temps sur un script Dune, mais il l'avait pas sorti. En 84, c'est David Lynch qui s'est lancé dans Dune avec une bande sonore faite par Toto. Et en 2010, il y a eu des téléfilms, cette fois-ci, il me semble, produits par la Paramount Pictures. Donc voilà, donc c'est quand même la quatrième adaptation de Dune, en espérant qu'elle soit bien et que pourquoi pas pour une suite, quoi. Apparemment, le film sera même prévu en deux parties, donc voilà, pourquoi pas, plus tard. Ouais, c'est pas toujours une chose. Donc voilà, ben écoute Nico, vas-y, balance ta news. Alors moi, bon, ça va être une petite news jeu vidéo où on a un nouveau jeu de la licence Zelda qui est annoncé. Donc, par contre, c'est pas un jeu à la Zelda après Breath of the Wild et tout, c'est un nouvel Hyrule Warrior qui se nomme tout simplement Hyrule Warrior, l'ère du fléau. Et donc pour ceux qui connaissent pas trop la licence, c'est plutôt un hack and slash comme ce où on bastonne contre sur un champ de bataille, en défonçant des mobs contre une armée, en jouant plusieurs héros ou personnages importants de l'univers d'Hyrule. Donc voilà, ça a été annoncé aujourd'hui, ça va sortir sur Switch. J'ai pas joué au Hyrule Warrior de base, mais celui-là, peut-être qu'il me tente. Maintenant que j'ai la Switch, je le prendrai peut-être pour y jouer. Mais bon, alors, vu que c'est pas un Zelda, c'est quand même un peu moins intéressant, malheureusement. Ouais. Il me semble que c'est un Hyrule Warrior qui va se passer en plus 100 ans avant Breath of the Wild. Ah ouais? Ouais, je crois que j'avais lu cette news. Donc c'est un peu une préquelle du jeu, sans être vraiment une préquelle. Et merde, je suis déçu. Ah ben de toute façon, moi j'ai testé pour le truc, mais le côté hack and slash et tout ça sur l'univers de Zelda, c'est pas le truc qui me tente le plus à la base. Non, c'est juste un Zelda tout court qu'on a envie de voir, quoi. Ouais, mais tu vois, on m'aurait dit, on fait pour Breath of Wild, on fait deux, on fait pas une suite, mais on fait une origin story du 1, j'aurais bien kiffé, parce que là, t'aurais appris un peu plus sur les quatre divinités et tout, t'aurais vu la chute, ça m'aurait tenté, ça m'aurait motivé, j'aurais acheté ça avec grand plaisir, et là, non, je vais faire l'impasse. Ouais, c'est sûr. Et surtout qu'on attendait tous vraiment des annonces sur ce jeu, sur Breath of the Wild 2. Et moi, en fait, j'avais pas lu les news en entière. Et c'est toi qui me rappelle à l'ordre en me disant que c'était un Hyrule Warrior. Ouais. Alors, au début, je pensais aussi que c'était un Zelda. En fait, non, c'était Hyrule Warrior. Ah, je suis déçu. Mais bon, c'est pas grave. Je propose qu'on passe à la suite. Vas-y. On va rester un peu côté jeux vidéo parce qu'il y a Microsoft qui nous a dévoilé le prix et la date de sortie de la Xbox Series X et la Xbox Series S. Nico, connais-tu la différence entre la Xbox Series X et la Series S? Il y en a une qui est plus petite que l'autre. Oui, mais non, il n'y a pas que ça. Grosso modo, la Xbox Series S est un modèle donc sans lecteur et beaucoup moins puissante que la Series X. Beaucoup moins puissante en ce qui concerne les cartes vidéo, processeurs, mémoire vive, mémoire. La Series S, je crois qu'elle va faire, il va y avoir un SSD de 225 Go. Ou de 500 gigas, je sais plus, alors que la série X est beaucoup plus puissante, beaucoup plus grosse et va avoir un SSD de 1000 tera, je crois, si je dis pas de bêtises, information à vérifier, mais voilà. Et la particularité, donc, vu que la série S est beaucoup moins puissante, ça va être une console un peu plus classique qu'on pourra coucher, alors que la série X est une console qu'il faudra laisser debout pour qu'elle puisse mieux ventiler. Le tarif donc pour la série S est de 300 € et le tarif pour la série X est de 500 €. Les précommandes vont être lancées à partir du 22 septembre et la console va sortir officiellement le 10 novembre. Voilà, c'est bon, la next gen arrive enfin. Ça te laisse sans voix ça aussi? Bon, je suis pas Xbox de toute façon, mais après, vu le style qu'ils font, ouais, c'est un peu comme la PS5 où tu as le All Digital et la PS5 classique avec lecteur, histoire de différencier les deux trucs, donc ça, c'est pas étonnant. Ouais, mais alors attends, là où il y a quand même deux news, moi je suis pas Microsoft, je suis Sony, je suis comme toi, mais il y a quand même deux news à retenir, c'est que la série, la PS5 sont. Son lecteur CD est l'égale de celle avec lecteur CD. Elle est plus puissante que l'autre. Alors que Microsoft t'encule légèrement quand même un peu la vie, nous font une Panini en te mettant une console beaucoup moins puissante, certes pour 200$ de moins, mais quand même moins puissante avec moins de gigas. Également, vu qu'on a les tarifs officiels de la Xbox, on peut se dire que Sony va tabler à peu près sur le même style de tarif. On peut très bien s'attendre du coup à une PS5 à 500€ et avec lecteur, une sans lecteur à 400€. Non, mais les prix étaient déjà sortis, je crois, de la PS5. Non, pas officiel, parce que tu as eu également des... Ouais, c'est pas officiel du tout. J'en ai discuté il y a deux jours avec un collègue de travail qui me disait même qu'il y avait des rumeurs qui disaient que le tarif de la PS5 avec lecteur pouvait monter à 600€. À 599. Tant que donc, ça, quand même, ça m'étonnerait. Ouais. Mais c'est pour ça que là, l'avantage que Microsoft annonce en premier, c'est que ça va plafonner les tarifs. Je pense pas que Sony va aller plus haut que la série X. Oui. Donc voilà, et pareil, ben c'est, on peut se douter à peu près de la date de sortie de la PS5, parce que si la Xbox va sortir le 10 novembre, on peut s'attendre à une PS5 qui va sortir fin novembre, début décembre, ou grand max. Ouais, normalement, ils sont censés s'établir sur les mêmes périodes, donc un peu avant Noël, peut-être, histoire de faire les offres de Noël, hein. Je sais pas. Vu qu'on on est censé avoir bientôt des nouvelles infos, je crois, sur la PS5, mais on les a pas encore. On les a pas encore et on en profitera pour en parler sur un débat comics. Vas-y Nico, je te laisse sortir ta dernière news. Alors moi, vu qu'on est en train de parler console et tout ça, j'ai un super truc pour ceux qui aiment bien la collection qui se ruine, acheter des figurines à Tsume et tout. Si vous êtes riche, on vous propose un super truc. Trois nouvelles styles de PS5, une PS5 en or 24 carats, une PS5 en or rose à 18 carats et une PS5 en platine. Donc bien sûr, avec des super prix, alors, sachant déjà qu'ils ont bien calculé leur coût, hein. Tu auras la PS5 All Digital et la classique, donc avec le lecteur, donc les prix sont déjà différents entre les deux trucs. Et donc tu peux payer pour le plus bas quand même, tu payes 8 843€. Donc voilà, je vois pas l'utilité d'avoir une PS5 en or, surtout qu'en plus chauffer tout ça, je sais pas si c'est super utile. Mais c'est la nouvelle What the Fuck du jour où j'ai vu donc ce côté or. En plus, je dis PS5, mais ils font ça aussi donc pour les manettes, où les manettes vont coûter entre 400 et 700€ pour les DualSense Gold. Et c'est 700 pour la manette et 440 pour le casque en or. Je trouve ça complètement abusé, What the Fuck. On est d'accord, c'est pour le Qatar, c'est pas pour nous. Oui, voilà, c'est clairement ça. Ouais. Après, voilà, il y aura que 250 exemplaires au total dans le monde, mais je vois pas l'intérêt de faire ça. Ouais, passons à la prochaine news. Ouais, c'est ça. Alors, pour la prochaine news, on va rester un peu côté Sony, mais pas dans les jeux vidéo. On va parler d'une production Sony en film. Ah non, ils y sont même plus dans les James Bond. Enfin bref, on va parler du dernier James Bond qui devrait, si tout va bien, sortir pour le 11 novembre, s'il ne le décale pas encore. On va parler de No Time to Die, où on a eu la dernière bande-annonce qui est sortie il y a une dizaine de jours. Et là, encore une fois, on a un bon casting et un bon film qui devrait arriver. Nico, toi qui vas souvent au cinéma, tu as vu le dernier trailer ou pas du tout? J'ai vu des trailers, je ne sais pas si c'est le dernier ou pas, mais j'ai vu quelques trucs sur James Bond. Donc, le dernier James Bond de Daniel Craig, on va retrouver donc Daniel Craig dans le rôle titre de James Bond, Rami Malek qui va jouer le méchant. Qui sera sa fin. Ou Safine, on va dire plutôt. On va retrouver Léa Seydoux dans le rôle du docteur Madeleine Swann. On va voir d'autres personnages, Ben Whishaw qui va revenir en Q, Naomi Harris qui va revenir en Miss Moneypenny, Jeffrey Wright qui va revenir en Félix Leicester, donc qui est le penchant de James Bond mais à la CIA. Christoph Waltz va revenir en Blofeld. Ralph Fiennes va revenir en M. Je suis... J'ai la demi-molle. Je te le dis clairement parce que ils ont fait quelque chose de très fort avec le dernier James Bond, enfin avec Daniel Craig, c'est que tous les films se suivent pour une fois, et ça va être juste génial. Lors de Spectre, on avait James Bond qui avait pris sa retraite pour poser, pour vivre une vie tranquille avec le docteur Madeleine Swann. Mais voilà, c'est de courte durée et en fait, tout va se réenchaîner. Apparemment, c'est à cause de Félix qui va lui demander son aide. Et puis après, tout ça va amener à autre chose et qu'il va devoir le remettre en service et poursuivre sa fine. Et voilà, donc non, je suis assez fan, Nico. Ah bah, moi, c'est un James Bond, donc forcément, je vais foncer, quoi. Même si par rapport au vieux et très vieux, contrairement à toi, j'ai pas vu, mais sur les récents et tout ça, je kiffais déjà, et ceux qui gagnaient le Craig, j'adore, quoi. Bon, du coup, on est d'accord, dès qu'il est dispo en avant-première, en Vost, on y va, quoi. Pas de souci. Et alors, juste également une autre news dans la news, j'ai vu qu'il y avait une IA qui avait cherché, enfin qui avait casté le nouveau James Bond. Et d'après le résultat de l'IA, ça serait Henry Cavill qui pourrait prendre le rôle de l'agent secret britannique. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle ? En vrai ? Ouais, en vrai. Faut que je sois objectif ? Oui. À fond, 300%. Je le vois trop. Alors, dans le rôle. Pour ceux qui ne connaissent pas Henry Cavill déjà, honte à vous. Il a 37 ans, c'est le dernier Superman en date, des films, hein. Je ne parle pas de la série, oui, oui. je parle bien du film. Et on l'a vu dans Mission Impossible Fallout contre Tom Cruise, que j'ai trouvé juste génial. Il a déjà fait un agent secret dans Code Uncle. J'allais justement t'en parler. On le retrouve dans la série Les Tudors, également dans la dernière série Netflix, The Witcher. Et c'est un acteur qui est assez jeune, hein. Enfin, assez jeune, il a 37 ans, donc c'est vrai qu'il pourrait rester pendant un long moment dans ce rôle. Donc voilà. Et tu sais quoi, Nico ? Si toi, tu es à fond, ouais. Moi, je trouve que il faut arrêter. Mais je trouve qu'il y a du Henry Cavill partout. On le voit dans de grosses franchises, dans Superman et dans The Witcher. Est-ce qu'on a vraiment besoin de voir lui dans... Ah, bah, après, tu as des milliers d'acteurs. Donc, c'est dur, oui. De se dire, moi, tu me dis, s'ils le prennent, qu'est-ce que tu en penses ? Je dis, je suis à fond. Après, tu me donnes un autre nom, c'est pareil. Oui, c'est, non, mais... voilà, je te donne deux autres noms qui sont ressortis. Donc, il y a Idris Elba. Ouais, par contre, il durera pas longtemps. Mais déjà, il est vieux quand même. Ah ouais, 48 ans. Oui, il est super vieux. Mais pareil, 300% aussi. En plus, du coup, ça me ferait... il y aurait la grosse polémique parce que ce serait un James Bond noir, mais j'adore cet acteur. Je m'en fous qu'il soit noir ou pas, j'adore Idris Elba. Oui. Ah mais pareil, je l'adore. Je l'adore. Donc Idris Elba, pour ceux qui ne le connaissent pas, vite fait quand même, on le voit dans le rôle de Heimdall dans le MCU, et on l'a vu également je crois qu'il n'a pas fait le livre d'Eli, non, c'est pas lui qui avait fait le livre d'Eli. Non, c'est Denzel Washington, le livre d'Eli. Ouais, mais on le retrouve également dans le dernier spin-off de Fast and Furious, mais il a fait aussi d'autres choses que j'ai oubliées. Nico, aide-moi s'il te plaît, toi qui es plus cinéma que moi. Alors, je regardais comme ça. Alors, dans Pacific Rim. Ouais, Prometheus. Après, très récemment, il a fait La Tour Sombre. Ah, c'est celui-là que je cherchais. Qui est, je crois, dispo sur Netflix, d'ailleurs. Après, il a fait une série que j'avais bien aimée aussi, qui était Charlie Montleçon. Mais ouais, non, moi, j'adore cet acteur, quoi. Il est génial. Mais c'est du coup, après, il a quand même la classe, ça va. Parce que je disais, normalement, il faut avoir un peu le côté classe. C'est vrai que Henry Cavill l'a beaucoup, mais... Non, Idris Elba, il peut vraiment l'avoir aussi. Et le troisième nom, Alors, il y a plusieurs gros noms. Hein. Je ne vais pas tout faire la liste, mais bon, moi, c'est Henry Cavill, parce que c'est celui en tête, Idris Elba, parce que c'est Idris Elba. Moi, il y en a un qui me fait bien triper. Karl Urban. Alors, déjà, ça ne me dit rien comme ça. Ah, merde ! Ah ! Attends, je vais voir la tête. Ah, si ! Ah, oh, non ! Toi. Non, si, oui, je vois maintenant. Oui, je vois, mais alors, non, je sais pas. Il me donne à voir comment ils veulent le faire, mais j'adore ce qu'il a fait. Je l'adore en acteur, effectivement, il est génial, mais je le vois pas du tout, là. Pour faire un James Bond, je le vois pas. Alors, bon, c'est vrai que bon. Et après, le problème des James Bond, c'est que voilà, on a un peu l'archétype et tout, même si maintenant on a Daniel Craig qui a un peu changé l'image. Il y a quand même certains aspects qu'on s'imagine encore pour un James Bond, donc s'ils le prennent, ils pourront encore modifier des trucs et donner une nouvelle image. Mais là, comme ça, non. Ah, attends, quand même, Carl Urban qui a fait Éomer donc, dans Le Seigneur des Anneaux 2 et 3, hein, les deux tours et oui. Le retour du roi. On l'a vu donc, dans Star Trek dans le rôle de Leonard McCoy. On l'a vu donc dans Edic, on l'a vu dans Dredd, dans le rôle titre de Judge Dredd, que j'ai trouvé juste génial. On le retrouve donc dans la série The Boys, en tant que Billy Butcher, qui est. Je suis pas honnête, j'adore le personnage de Billy Butcher. Ah, et c'est génial. Voilà. Et c'est vrai que là, en James Bond, c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas vraiment James Bond, on va toujours avoir l'image un peu propre de Roger Moore, de Pierce Brosnan, qui étaient des James Bond propres, classe, pas trop violent, un peu gadget et compagnie. Mais moi, je me souviens de l'époque de Sean Connery, quand j'étais jeune, et de Timothy Dalton, où en fait, il mettait des mandales à droite, à gauche, un peu comme fait Daniel Craig. Et s'il continue sur cette ligne-là, Carl Urban ne me dérangerait pas. Je reste plus mitigé. Mais bon, j'attends de voir dans tous les cas ce qui sera choisi. Mais ce ne serait pas le premier choix, du coup. Et voilà. Après, voilà, c'est vrai que... De manière, le rôle de James Bond, ça voudrait dire à Henry Cavill comme à Carl Urban qu'il faudra lâcher leur rôle dans les séries. Oui, c'est ouais, ça va être compliqué ça. D'où le fait que Idris Elba serait peut-être plus dispo déjà. Idris Elba serait plus dispo et. Parce que Cavill, il a The Witcher plus encore les films de DC, ça va déjà lui piquer quoi. Alors. Si il arrête bien, normalement il arrête le rôle de Superman, mais bon, si Justice League Snyder Cut est un succès, on le reverra encore. Ouais. Là, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Bon, je pense que c'est bon. On a dit pas mal de choses au niveau de cette émission. Merci à toutes et tous de nous écouter. N'hésitez pas sur ce nouveau format de donner votre avis. Ça va nous aider à nous améliorer, à peaufiner la chose. Au début, ça devait être un format qui devait être faire plus court. Ouais. Ça, c'était de la théorie. Mais il y a trop de news, donc forcément. Il y a trop de news, et puis après, on se relance très vite la balle avec Nico. Donc, j'imagine ouais. À 3, qu'est-ce que ça peut donner. C'est, ouais, à 3 ou 4, c'est encore pire, en fait. Ça va être infini. Donc, voilà. Je pense qu'en final, on va faire une quotidienne. Peut-être. Bon, bah sur ce, en tout cas, je vais vous souhaiter à toutes et tous une bonne soirée, une bonne journée. On se retrouve très vite donc, dans un nouveau débat comics ou un nouveau Lire en Bulle. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde et à la prochaine.